t'es un mec de devant, ceux qui traînent au croisement. T'es trop jeune pour comprendre que l'influence te ment. Sur les 20-30 mecs autour de toi, y'a personne. Attends d'être un peu plus vieux pour saisir mes paroles. Avant, parler le même verlan, porter les mêmes vêtements. Quand tu réfléchis, en a trop qui sont morts bêtement. La zone se fait réfléchir les vrais et grade les bouffons. Pense à ceux qui lerguent en bas. N'ai-je pas raison, tomber pour les mêmes bêtises. Les petits grandissent et posent ton gun. Laisse pas traîner ton fils. T'as eu l'exemple des grands par insouciance timide quand même. T'actualises la consistance, petit, j'ai fait pareil. La rue te fait croire qu'elle t'aime, cousin. En vrai, elle carotte. Tu vas brûler tes ailes, frangin, si tu t'y frottes. Moi, tu perpètes au blême, j'ai dit ciao ciao. Entre le leur dit de la tête, c'est le prophète. Choisis ton héros. À 16 ans, souvent tu crois plus intelligent. Moins influençable que ceux qu'avaient ton âge avant. À 16 ans, mais tu commets les mêmes erreurs. Et une fois adulte, les mêmes regrets, les mêmes rancœurs. À 16 ans, souvent tu crois plus intelligent. Moins influençable que ceux qu'avaient ton âge avant. À 16 ans, mais tu commets les mêmes erreurs. Et une fois adulte, les mêmes regrets, les mêmes rancœurs. À 16 piges, ouais, je me prenais pour un boss, tu piges. Des marches de ouf à mon regard, je voulais que tout le monde se fige. Je kiffais l'oseille, les poches pleines, je me disais ça paye. Filant en bain, le sol brille comme dans Billie Jean. À 16 ans, j'étais quand même chelou. Je respectais rien, personne, vulgaire, je parlais mal grave. Toujours fourré dans les ambiances et les lieux pourraves. Mauvais coton, je filais vite fait de la falaise natchave. En tout cas, heureusement, je suis pas tombé dans la bédave. À cet âge-là, pour moi, le monde était dans ma poche. Manque de peau, j'ai rien, je crois que j'ai loupé le coche. C'était pas sérieux, jouer les hoches à place carrée. Dimanche, la défense, midnight avec Headmaster. À cette époque, qui fait tellement, j'étais toujours dehors. Le ciel était mon toit, ma tôle n'avait pas de mur. Afro sale et méchant, c'était mes 16 ans. À 16 ans, souvent, tu crois plus intelligent. Moins influençable que ceux qu'avaient ton âge avant. À 16 ans, mais tu commets les mêmes erreurs. Et une fois adulte, les mêmes regrets, les mêmes rancœurs. À 16 ans, souvent tu crois plus intelligent. Moins influençable que ceux qu'avaient ton âge avant. À 16 ans, mais tu commets les mêmes erreurs. Et une fois adulte, les mêmes regrets, les mêmes rancœurs. Tu connais le genre, le style, j'explique, c'est là où j'habite. Ici les méchants se font agresser par la police. À 16 ans, je carottais du genre, je change même en chèque. Je rigolais quand t'étudiais, j'étais un fonce. J'entendais dire qu'on me respectait, qu'on voulait être moi. J'étais au top et toutes les filles étaient folles de moi. J'inscris ma vie et plusieurs fois j'ai même failli me tuer. J'étais le plus chaud alors que n'importe qui aurait pu me refroidir n'importe quand. À 16 ans, purée que t'es con. Quand tu penses que pour moi j'avais toujours raison. T'as pas d'argent, t'as pas fait de prison. T'es un bouffon, mon cerveau pouvait tenir dans le creux de ma main. J'emmerdais l'honnêteté et l'été, vas-y pense à demain. Aujourd'hui quand je réfléchis, personne s'en est sorti. Yeah, Bilal, yeah, Stéphane, c'est pour toi mon refrain. À 16 ans, souvent tu crois plus intelligent. Moins influençable que ceux qu'avaient ton âge avant. À 16 ans, mais tu commets les mêmes erreurs. Et une fois adulte, les mêmes regrets, les mêmes rancœurs. À 16 ans, souvent tu crois plus intelligent. Moins influençable que ceux qu'avaient ton âge avant. À 16 ans.